lui faire peur. En rentrant dans sa chambre, Julien se compara à un général qui vient de gagner à demi une grande bataille. L'avantage est certain, immense, se dit-il. Mais que se passera-t-il demain ? Il ouvrit d'un mouvement passionné les mémoires dictées à Sainte-Hélène par Napoléon, et pendant deux longues heures se força à les lire. Ses yeux seuls lisaient. N'importe, il s'y forçait. « Lui faire peur !» s'écria-t-il tout à coup en jetant le livre au loin. « L'ennemi ne m'obéira qu'autant que je lui ferai peur. Alors il n'osera me mépriser. » Il savait bien que le lendemain, dès 8 heures du matin, Mathilde serait à la bibliothèque. Elle n'y parut qu'à 9 heures, brûlant d'amour, mais sa tête dominait son cœur. Une seule minute peut-être ne se passa pas sans qu'il ne se répétât, la tenir toujours occupée de ce grand doute. M'aime-t-il ? Il la trouva pâle, calme, assise sur le divan, mais hors d'état apparemment de faire un seul mouvement. Elle lui tendit la main. « Vous voulez des garanties, mon ami ? » ajouta-t-elle après un silence qu'elle avait espéré voir rompre. « Il est juste. Enlevez-moi. Partons pour Londres. Eh bien, déshonorez-moi, » dit-elle enfin avec un soupir. « C'est une garantie. » Une fois en route pour Londres, une fois déshonoré, pour me servir de vos expressions, qui me répond que vous m'aimerez ? Je ne suis pas un monstre. Vous avoir perdu dans l'opinion ne sera pour moi qu'un malheur de plus. Ce n'est pas votre position avec le monde qui fait obstacle, c'est par malheur votre caractère. Pouvez-vous vous répondre à vous-même que vous m'aimerez 8 jours ? Je suis donc tout à fait indigne de vous, dit-elle en lui prenant la main. Julien l'embrassa, mais à l'instant la main de fer du devoir saisit son cœur. Ce jour-là et les suivants, il sut cacher l'excès de sa félicité. Il y eut des moments où il se refusait jusqu'au plaisir de la serrer dans ses bras. C'était auprès d'un berceau de chèvrefeuilles disposé pour cacher l'échelle dans le jardin qu'il avait coutume d'aller se placer pour regarder de loin la persienne de Mathilde et pleurer son inconstance. Passant avec Mathilde dans ce même lieu qui lui rappelait si vivement l'excès de son malheur, des larmes inondèrent ses yeux et, portant à ses lèvres la main de son ami, « Ici, je vivais en pensant à vous. Ici, je regardais cette persienne. J'attendais des heures entières le moment fortuné où je verrais cette main l'ouvrir. » Sa faiblesse fut complète. Dans l'excès de son alarme, il crut déjà voir moins d'amour dans les yeux de Mademoiselle de La Mole. « Je mens, » dit Julien avec humeur, « et je mens à vous. Vous m'aimez, vous m'êtes dévoué, et je n'ai pas besoin de faire des phrases pour vous plaire. » « Grand Dieu, ce sont des phrases que tout ce que vous me dites de ravissant depuis 2 minutes ?» Des larmes amères inondaient les joues de Mathilde. « Je viens donc de tomber à mon insu dans quelque action qui vous aura déplu ?» dit Mathilde avec une naïveté charmante. « Un jour, je m'en souviens, passant près de ces chèvrefeuilles, vous avez cueilli une fleur. Monsieur de Lutz vous l'a prise et vous la lui avez laissée. J'étais à 2 pas. » « Monsieur de Lutz, c'est impossible, » reprit Mathilde avec la hauteur qui lui était si naturelle. « Je n'ai point ses façons. »« J'en suis sûr, » répliqua vivement Julien. Julien la regarda avec une tendresse inexprimable. « Non, » se dit-il, « elle ne m'aime pas moins. » Elle lui reprocha le soir en riant son goût pour Madame de Fervaques. « Un bourgeois aimé une parvenue. » Elle avait fait de vous un vrai dandy, disait-elle en jouant avec ses cheveux. Une chose piquait Mathilde. Julien continuait à copier des lettres et à les envoyer à la maréchale.